بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on va faire la partie, on va expliquer la partie où le cheikh explique les preuves de la prophétie. Donc on commence, le cheikh il dit دلائل النبوة. دلائل النبوة هي الأدلة التي تعرف بها نبوة النبي الصادق ويعرف بها كذب المدعي للنبوة من المتنبئين الكذبة لأن هذا موضوع مهم جدا. ودلائل النبوة كثيرة ومتنوعة وغير محصورة. Donc le cheikh il explique, il dit que les preuves de la prophétie, ce sont les preuves par lesquelles on peut connaître le prophète qui est véridique et par lequel on peut distinguer aussi celui qui est un menteur qui prétend à la prophétie, qui se prétend être un prophète alors qu'il est menteur. Et ça, c'est un sujet qui est très important. Et parmi les, il y en a beaucoup de signes ou de preuves de la prophétie, et elles sont pas délimitées par un nombre particulier. Donc, il en mentionne un certain nombre d'entre ces preuves-là, et il les cite un par un. Il dit, فمنها المعجزة وهي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة. وفي القاموس معجزة النبي ما أعجز به الخصم عند التحدي، والهاء فيها للمبالغة، وهي أمر خارق للعادة. يجريه الله على يد من يختاره لنبوته ليدل على صدقه وصحة رسالته. Donc le cheikh il dit que parmi les preuves de la prophétie, de la véracité d'un prophète, il y a les miracles. Et en arabe, les miracles c'est mu'jizat. Mu'jizat au pluriel, mu'jizat au singulier. Et le cheikh il le définit, il dit que c'est un mot qui vient de al-'ajz, c'est-à-dire l'incapacité. Et ça vient, c'est le mot qui est le contraire de la capacité ou du pouvoir, la capacité de faire quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le mot arabe pour dire miracle, mu'jiza? C'est un mot qui explique en fait que c'est une chose que lorsque le prophète, un des prophètes le fait, eh ben, il rend ceux qui s'opposent à lui incapables de répondre, incapables de s'opposer, en fait, avec un argument. Okay? Puis il va en mentionner des exemples. Et il mentionne aussi dans un passage d'un dictionnaire, Al-Qamus, Al-Muhit, dans lequel on a défini le miracle comme étant, il dit, le miracle du prophète, c'est ce qu'il a utilisé pour rendre ses opposants incapables de répondre ou de réfuter lors d'un défi ou lorsqu'ils lui ont lancé un défi ou quelque chose de ce genre. Donc, le cheikh il dit ensuite que c'est une chose qui est hors de l'ordinaire. C'est-à-dire que c'est le miracle, c'est quelque chose qui est fait, mais qui est en dehors de l'ordinaire. Et que Allah subhanahu wa ta'ala permet à ceux qu'il a choisis parmi ses prophètes, il leur permet de faire ces choses-là, comme preuve de leur sincérité et de la véracité de leur message. Ensuite, le cheikh il explique ici, « ومعجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرة منها الناقة التي أوتيها صالح عليه السلام حجة على قومه وقلب العطاء حية آية لموسى عليه السلام وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى آية لعيسى عليه السلام ومنها معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أعظمها القرآن الكريم وهو معجزة خالدة التي تحدى الله بها الجن والإنس ومنها الإسراء والمعراج ومنها انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام وحنين الجذع إليه وإخباره عن حوادث المستقبل والماضي. Donc il mentionne des exemples de différents miracles. Il dit, parmi les exemples des miracles des messagers, paix et salut d'Allah sur eux, eh bien ils sont nombreux. Parmi ces miracles-là, il y a l'exemple de la chamelle, une chamelle gigantesque que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyée au peuple de Saleh. D'accord? Et ça c'était un miracle pour eux et une preuve contre eux, pour son peuple. Et le fait que, par exemple, Moussa a jeté son bâton et que son bâton s'est transformé en serpent et que ce serpent a mangé les autres serpents que les magiciens avaient lancés. Le fait que, par exemple, Isa a.s., Allah lui avait permis de guérir les gens qui étaient muet et qui était aveugle, okay. Non mais il dit Akmaha, ça c'est je pense ceux qui sont les lépreux, ouais c'est ça exactement, ce sont les lépreux et et de faire revivre les morts, donc Allah lui a permis de faire ça comme des miracles. Et parmi les miracles des prophètes aussi, il y a les miracles de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nombreux. Parmi les plus nombreux, parmi les plus grands, c'est-à-dire le plus grand, c'est le Coran. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait du Coran le miracle qui reste jusqu'à la fin du temps. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a défié l'humanité, les djinns et les hommes d'amener un verset semblables s'ils sont capables. Donc ça c'est le miracle qui reste jusqu'à la fin du temps. Et donc il va en parler plus en détail par la suite. Il dit ensuite, parmi les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en une seule nuit, il a été jusqu'à Damas, de la Mecque à Damas, et ensuite, de là-bas jusqu'au septième ciel, il est monté et il est revenu, tout ça en une nuit. Donc ça c'était un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre miracle, c'est le fait qu'il a fait fendre la lune en deux. Il a fendu la lune en deux. Je ne sais pas, c'est le samar. Alaykum salam wa rahmatullah. Un autre miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les pierres qu'il tenait dans sa main on les a entendues faire un tasbih, c'est-à-dire glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre miracle, c'est le tronc d'arbre qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le khutbah au début, il n'avait pas de minbar, il faisait le khutbah sur un fond d'arbre qui était quitté, un arbre qui était quitté, il se tenait dessus et il faisait le khutbah dessus. Par la suite, il a demandé à un des sahaba qui était charpentier de lui faire un petit mambar avec trois marches. Et puis, donc, il se tenait dessus. Après ça, il se tenait sur ce mambar pour s'adresser aux croyants. Et puis, lorsqu'il a commencé à se tenir sur son mambar, eh ben, les gens ont entendu le tronc d'arbre pleurer parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tenait plus dessus. Donc, c'était un miracle aussi. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre. Même, je pense qu'il y avait même une chamelle à un moment donné qui se plaignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam du mauvais traitement de son maître envers elle. Et des choses de ce genre-là, il y a un autre hadith qui dit que, un autre exemple dans lequel le cheikh dit que, aussi, parmi ces miracles, c'est qu'il a averti ou qu'il a prédit des événements qui sont passés, qui allaient se produire dans l'avenir. Hein, il a parlé de plusieurs choses à son époque et il a dit que ça allait se produire dans l'avenir et ces choses-là sont arrivées. Okay. Et il y a des choses aussi dont il a parlé qui sont des choses du passé. Il a révélé ou il a parlé des choses qui sont produites avant lui. Donc ça aussi, ça fait partie de ces miracles. Le cheikh dit « ودلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة كما يقوله المتكلمون بل هي كثيرة متنوعة » Il dit « Les preuves de la prophétie, elles ne sont pas limitées aux miracles. Il y a beaucoup d'autres preuves de la prophétie autres que les miracles. Et contrairement à ce que disent les gens du kalam, Ahl al-Kalam, les philosophes, les Asha'ira, les Maturidiya et les Asha'ira, les Mu'tazila, eux, ils disent que seulement les miracles sont les preuves. Il n'y a pas d'autres preuves. Alors, le chef, il dit non, c'est pas vrai. Et donne des exemples d'autres sortes de preuves de la prophétie. Il dit, منها إخبارهم الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أعدائهم وبقاء العاقبة لهم فوقع كما أخبروا ولم يختلف منه شيء كما حصل لنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى ونبينا محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مما قصه الله في كتابه. Parmi ces exemples de preuves, le fait que les prophètes ont annoncé à ces nations, à leur nation ou à leur peuple, qu'ils allaient être victorieux, ou bien qu'ils allaient que leurs ennemis allaient périr, et que la bonne fin allait être pour eux, c'est-à-dire la victoire à la fin sera pour eux. Comme c'est arrivé, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est exactement ce qu'ils avaient prédit, et rien de ce qu'ils avaient annoncé n'a été contredit par les faits, comme c'est arrivé au temps pour Noé, pour Houd, pour Salih, pour Shu'aib, pour Ibrahim, pour Lot, l'autre, et Moussa, et pour notre prophète, et que la paix d'Allah et le salut d'Allah soient sur tous ces prophètes-là. Et il y a des exemples de ça dans les histoires que Allah SWT a racontées au sujet de ses prophètes dans son livre, dans le Coran. Parmi ces exemples de preuves aussi, il y a le cheikh qui dit ومنها أن ما جاءوا به من الشرائع والأخبار في غاية الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلق مما يعلم بالضرورة أن مثله لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأبرهم. وعليكم السلام ورحمة الله. Voici des parmi les preuves que la prophétie, que ce que disent les prophètes ou que les prophètes sont réellement envoyés par Allah, il y a le fait que ils sont venus avec des lois et des règles et des informations, yani qui sont d'une clarté et d'une perfection, yani tellement élevé, yani que c'est impossible que ce soit pas venu et ami d'Allah. C'est-à-dire, si tu regardes le fait que c'était des hommes, c'était les messagers en général, c'était des bergers, des gens simples, et malgré ça, malgré qu'ils n'avaient pas fait des grandes études dans des grandes écoles et tout, mais ils avaient des connaissances de la loi, des connaissances de différents domaines et des choses que Allah leur a révélées. Donc, ces choses-là ne pouvaient pas venir d'eux, puisqu'ils n'avaient jamais étudié ces choses-là. Hein, et venir avec des règles parfaites et des règles claires et qui expliquent aux êtres humains comment vivre et comment bâtir une société qui va être en ordre et qui va respecter la morale et toutes ces choses-là. Donc, je veux dire, un être humain ne peut pas par lui-même sortir des lois sur ça. D'accord? Et c'est ce que le chef explique aussi. Et ça même, ça me fait penser à moi un peu parce que je me souviens que la première fois que j'ai lu le Coran, c'était ça qui m'a convaincu en fait de croire en l'islam parce que je me disais, j'ai lu la Bible avant d'être musulman. J'ai lu la Bible. Et puis, je sais que les chrétiens essaient toujours de dire au sujet de l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a copié la Bible pour écrire le Coran. Alors moi, quand j'ai lu le Coran, j'ai su tout de suite que c'était faux. J'ai su tout de suite que c'est pas vrai de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a copié la Bible. Puisque s'il l'avait copié, eh bien, les erreurs qui sont dans la Bible devaient se retrouver dans le Coran. Et lorsque j'ai lu le Coran, je n'ai pas trouvé ces erreurs. Alors j'ai dit, bon, quand il était un homme très, très intelligent et brillant, au point que lorsqu'il a lu la Bible, il a su reconnaître les erreurs et les éviter, alors là, il faut vraiment qu'il soit génie. Ou bien soit que, Allah, ça vient d'Allah, et c'est Allah qui lui a inspiré la vérité, et donc c'est pour ça qu'on ne retrouve pas les erreurs de la Bible dans le Coran. Et donc c'est là que je dis, bon, ça y est, ça vient d'Allah. Parce que même si on observe la façon dont Allah parle dans le Coran, c'est ça que c'est Allah qui parle. C'est pas comme dans la Bible. Quand tu lis la Bible, tu lis comme si c'est à la troisième personne. Et si c'est quelqu'un d'autre qui raconte une histoire à propos d'Allah, hein? Wa alaykoum salam, Hamza. Comment ça va, mon frère? Il est revenu, le frère. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est des exemples que c'est des choses qui nous font réaliser en fait que. Ça vient d'Allah, c'est une prophétie, c'est pas une parole d'un être humain. Ça, c'est pas un être humain qui parle comme ça. Hein? Quand tu lis les versets, tu lis comment Allah parle des choses. Alors, ça, c'est pas un être humain, c'est pas dire des choses de ce genre-là. Hein? Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est la parole d'Allah. Donc, qu'est-ce que le cheikh dit? C'est la vérité. Tu regardes, par exemple, Juste pour voir aussi comment Allah fait les règles. Juste par exemple, moi des choses que j'ai toujours trouvé comme étant une preuve de la véracité de l'islam. Juste un exemple, pour vous faire comprendre un peu comment je voyais ça quand je suis converti à l'islam. Juste le fait que Allah a ordonné aux femmes de se couvrir et de se voiler, ça là déjà, juste savoir ça, moi c'est une des choses qui m'ont fait voir que l'islam c'est la vérité. Hein? Parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, quand je n'étais pas musulman, je sortais, parfois je voyais des jeunes filles là qui s'habillaient d'une façon, je leur disais, mais c'est pas correct de s'habiller comme ça, tu vois. Et puis, dans la Bible, tu ne trouves pas des preuves ou des exemples qui montre assez clairement les règles vestimentaires pour la femme ou pour l'homme. C'est laissé un peu vague, tandis que là, tu lis dans le Coran, c'est clair. Ah, ok. Non. Alaykoum salam. Sur la tenue dans le temps, c'est clair les règles pour la femme et tout ça. Et là, tu vois qu'en réalité, ces règles vestimentaires-là, eh bien, ça inspire un certain respect, ça inspire la piété, ça inspire la pudeur, ça inspire beaucoup de règles de l'islam, et qui sont présentes dans les enseignements des autres messagers, mais qui ne sont pas assez présents, mais d'une façon assez claire. Donc, les gens essaient toujours de mettre ça à interprétation. Par exemple, tu vas lire des choses qui disent, bon, la femme doit être modeste, ou des choses de ce genre. Mais c'est rien de spécifique, rien de clair. Tout le monde sait que les femmes, au temps de Isa, Jésus, au temps de Moussa, alayhi salam, qu'elles se couvraient le corps et qu'elles s'habillaient d'une façon pour pas montrer leurs atours. Sauf que, malgré, la preuve qu'ils le savent, c'est que toutes les statues qu'ils font de Marie sont des statues qui sont couvertes. Et amis d'un long voile et d'une robe très longue et ample. Dans leur film qu'ils ont fait au sujet de la vie de Jésus, de la vie de Moïse, de la vie des autres prophètes, ils couvrent toujours les femmes avec de longs voiles et de longs habits. Tout ça, c'est des preuves qui montrent qu'ils savaient très bien que ces gens-là s'habillaient d'une façon pour couvrir leurs femmes. Ils les habillaient d'une façon vraiment, pour cacher tout ce qui pouvait attirer l'attention des hommes et chez les hommes. Donc, ils le savent, mais ils jouent avec la Bible, ils jouent avec la parole de Dieu pour essayer de se faufiler, pour toujours essayer d'éviter de se soumettre à l'ordre. Donc, ça c'est des exemples. Ensuite, le cheikh il continue, il dit « وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُهُمْ أَنَّ اللَّهَ يؤيدهم تأييدا مستمرا وقد علم من سنته سبحانه أنه لا يؤيد أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق بل لا بد أن يتضح الكذاب وقد يمهله الله ثم يهلكه. Donc le cheikh il dit, parmi les preuves de la prophétie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il les aide d'une façon continuelle, c'est-à-dire continuellement il leur donne, il les supporte. Et on peut observer même selon la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il n'aide pas le menteur, celui qui prétend être un prophète, il n'aide pas de la même façon qu'il peut aider celui qui est véritablement un prophète. Et en fait, celui qui se prétend prophète, Allah subhanahu wa ta'ala finit toujours par le démasquer à la fin, et Allah subhanahu wa ta'ala peut lui donner un répit au début, mais il finit toujours par périr. Après, le cheikh dit « وَمِنْهَا أَنَّ طَرِيقَتَهُمْ وَاحِدًا فيما يأمرون به من عبادة الله والعمل بطاعته والتصديق باليوم الآخر والإيمان بجميع الكتب والرسل فلا يمكن خروج واحد منهم عما اتفق عليه فهم يصدق متأخرهم متقدمهم يصدق متأخرهم متقدمهم ويبشر متقدمهم بمتأخرهم كما بشر المسيح ومن قبله كما بشر المسيح ومن قبله بمحمد صلى الله عليه وسلم كما صدق محمد صلى الله عليه وسلم جميع النبيين قبله. Donc dans ce passage le cheikh il a expliqué que une des preuves de la prophétie, de la vérité de la prophétie, c'est que la voix des messagers n'est qu'une seule voix. C'est une seule et même religion. Dans le fait qu'ils appellent tous à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et d'agir selon son obéissance, et de croire au jour dernier, et de croire en tous les livres et les messagers. Et il n'est pas possible qu'un d'entre eux sorte de cette voix, pour appeler à quelque chose de différent. Ils sont tous été d'accord sur ce point. Donc, le premier d'entre eux confirme ce que le dernier d'entre eux dit. Hein? Et ce, le, par exemple, le premier d'entre eux annonce celui qui vient en dernier. Hein? Et le premier, celui qui vient en dernier confirme ce que le premier a amené. Donc, ils se confirment tous les uns les autres. Et donc, comme par exemple, le Messie, Jésus, Isa, il a annoncé ceux qui, il a annoncé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait venir. Et la même chose, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé et confirmé la véracité de tous les messagers et les prophètes qui sont venus avant lui. Après le cheikh il dit, wa min dala'ili nubuwati ta'idullah lil anbiya faqad ulima min sunnatillahi wa adatihi annahu la yu'ayyidu al-kazzab بمثل ما يؤيد به الصادق بل يفضح الكذاب ولا ينصره بل لا بد أن يهلكه وإذا نصر ملكا ظالما مسلطا فهو لم يدعي النبوة ولم يكذب عليه أو يكذب عليه بل هو ظالم سلطه الله على ظالم مثله على ظالم مثله كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بخلاف من قال إن الله أرسله وهو كاذب فهذا لا يؤيده تأييدا مستمرا لكن يمهله مدة ثم يهلكه لكن قد يمهله مدة ثم يهلكه. نعم. Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? C'est un peu ça que la même chose que tu as dit par avant, c'est que parmi les preuves du prophète, les preuves de la prophétie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il supporte et il aide toujours les prophètes. Et on a vu et on observe, on sait que selon la sunna d'Allah, selon les habitudes d'Allah, comment il agit dans sa création, qu'il n'aide pas celui qui est menteur, de la façon qu'il aide celui qui est véridique. En fait, il démasque et il fait voir le mensonge du menteur et il ne lui donne pas la victoire. Et il faut absolument que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse périr. Et même si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala parfois il peut donner la victoire à un dirigeant ou à un roi qui est injuste et qui est comment je pourrais dire, un tyran, mais qui n'a pas prétendu être un prophète, qui n'a pas menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'il est un injuste, qu'Allah a mis au pouvoir sur des injustes comme lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et voilà de la façon comment nous mettons des injustes au pouvoir des peuples injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc, ça, c'est pas la même chose. Donc, Allah peut donner un pouvoir à un peuple. Allah peut donner à une personne injuste le pouvoir sur un peuple et lui donner la victoire, mais pas à celui qui prétend la prophétie. C'est ça que le chef essaie de faire comme comparaison. Comme si quelqu'un peut être injuste et avoir le pouvoir et avoir la victoire pour un certain temps, mais tandis que le menteur, celui qui ment à propos d'Allah et de son messager, ou qui se prétend être un prophète et qui dit que Allah l'a envoyé, alors que c'est pas vrai, alors celui-là, Allah ne peut pas lui donner la victoire, il ne peut pas le supporter d'une façon continuelle. Allah peut lui donner un répit au début, puis par la suite, il le fait périr. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوة النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ لا، يقول on est capable de distinguer entre celui qui ment et celui qui dit la vérité dans tout ce qui a rapport à des choses qui sont moins importantes que la prophétie. Donc, c'est encore plus facile de distinguer entre celui qui dit la vérité et le mensonge en ce qui concerne la prophétie, puisqu'on est capable de distinguer le menteur de celui qui est véridique dans les choses autres que la prophétie et qui sont moins importantes que la prophétie. Et le cheikh dit « Wa ma'loumun anna mudda'i risala imma an yakuna min afdal al-khalq wa akmalihi wa imma an yakuna min anqas al-khalq » ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه دعاه ودعاه إلى الإسلام فقال له والله لا أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل من عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم بأنقص الخلق وأرذلهم. Donc le chef il dit, et c'est bien connu que celui qui prétend d'avoir un message d'Allah, soit qu'il est parmi la plus parfaite et la meilleure des créatures, ou soit qu'il soit parmi les plus pires et la plus basse des créatures. Et c'est pour ça que un des plus grands dirigeants ou des chefs de Saqif, une tribu arabe, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé à l'islam, il dit par Allah, je ne te dirai qu'une seule parole. Si tu dis la vérité, alors tu es trop noble à mes yeux pour que je te réfute ou pour que je te réponde. Et si tu dis un mensonge, alors tu es plus méprisable pour moi que je te réponde, pour que je te réponde. C'est tellement méprisable que tu ne mérites même pas que je te réponde. C'est un ou l'autre, tu vois. Et donc, le cheikh il dit par la suite, comme une question, il dit, comment peut se ressembler la meilleure des créatures et la plus parfaite avec la plus pire et la plus basse des créatures? Donc, c'est facile, on est capable clairement de voir la distinction entre celui qui dit la vérité. Et le cheikh dit, « وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحوذ الشياطين عليه ما ظهر به كذبه لمن له أدنى تمييز. وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمورا، والكاذب يظهر من نفسه ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به كذبه من وجوه كثيرة. Qu'est-ce que le cheikh explique ici? Et il dit, il n'y a personne qui a prétendu d'être un prophète parmi les menteurs, excepté que on a vu en lui de l'ignorance, du mensonge, de la perversité, et que les shayatines ont eu le dessus sur lui, et ça s'est apparu même en lui par ses mensonges. Et c'est facile à quiconque possède un minimum de distinction, de capacité de distinguer les choses, il est capable d'apercevoir ces choses-là. Et il dit qu'il n'y a personne qui a prétendu d'être un prophète parmi les gens qui sont sincères et véridiques, excepté que Allah a fait voir en eux de la science, de la sincérité, de la piété, et beaucoup de sortes de bonté. Et ça, yani, ça apparaît à quiconque possède un minimum de capacité de distinction. Parce que le prophète, il faut qu'il informe les gens de certaines choses, et il faut qu'il leur ordonne de faire certaines choses, et lui-même doit le faire. Et la même chose pour celui qui est menteur, eh ben, il montre par ses actions et par ce qu'il ordonne, il montre son mensonge de plusieurs façons, yani. Parce qu'il le contredit par ses actions, ou bien parce qu'il ordonne de faire des choses mauvaises, ou des choses comme ça. Et juste en passant une note comme ça, on peut voir beaucoup de gens ici dans la société, parce qu'on voit qu'on est dans une société où les gens ont la liberté de croyance. C'est-à-dire, n'importe qui a le droit de prétendre être un prophète. Dans la société actuelle, il peut juste dire « je suis un prophète, Dieu m'a donné un message » et puis aller s'enregistrer comme une nouvelle religion. Et puis, bon, il commence à ouvrir, il ouvre une classe et il appelle les gens à le suivre. Et comme on voit, il y a un groupe qu'on appelle les Raéliens, qui me suivent un homme qui s'appelle Raël, donc son nom c'est, j'ai oublié son nom là, Paul quelque chose. Et puis, ouais. Et puis ce gars-là, en fait, ouais, il dit qu'il a rencontré les prophètes, qu'il a été amené dans une soucoupe volante et tout ça. Donc, il se prétend être un prophète, d'accord? Mais lorsqu'on observe ses paroles, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'il enseigne, on voit que tout ce qu'il enseigne est contradictoire avec les ordres d'Allah. Il permet la fornication, il permet l'adultère, il permet l'homosexualité, il permet tout ce qui est haram dans sa religion. Il permet que les hommes et les femmes soient nus ensemble, et il permet toutes sortes de perversités et de choses que Allah a interdit. Pour la société québécoise, ou pour le gouvernement des pays athées ou mécréants aujourd'hui ou laïcs, eh bien, ils n'ont aucun moyen pour l'arrêter ou pour l'interdire, puisqu'ils donnent une liberté de religion. Donc pour eux, Raël et le christianisme, le judaïsme, l'islam et toutes les autres religions, eh bien, elles sont toutes au même pied d'égalité, c'est-à-dire ils mettent le mensonge et la vérité au même niveau. D'accord? Il n'y a pas de moyen pour eux de distinguer entre Raël et entre Isa et entre Mohammed et entre les autres prophètes. Pourtant, on voit dans les enseignements de ce que Raël enseigne, tout à fait contraire, même il appelle les gens à tout ce qui est contraire, même à la base même des messages, de tous les messagers d'Allah, c'est-à-dire il appelle les gens à l'idolâtrie et au shirk. Parce qu'il dit que les êtres humains ont été créés par des êtres et pas juste, et n'est pas par un seul Dieu, mais par des dieux, qu'il appelle les Elohim. Pour eux, ils disent que ça, c'est des extraterrestres, ce sont des êtres supérieurs qui habitent dans une autre galaxie ou un autre monde, et eux, ils ont créé l'être humain dans un laboratoire, et ils ont mis sur la Terre pour expérimenter, faire des expériences et des tests. Donc, tout ça, c'est là, contrairement, tout absolument contraire aux enseignements de Pisette. Et c'est comme ça qu'on est capable de voir le mensonge de ce gars-là, ce qu'il prétend, d'accord? Donc, c'est juste un exemple, comment on peut distinguer celui qui est un vrai prophète d'un faux prophète. Premièrement, s'il n'appelle pas à l'adoration d'Allah uniquement, eh bien, tout de suite, on sait que c'est un menteur. Peu importe ce qu'il fait, ce qu'il dit, même s'il fait il essaie de montrer des miracles, c'est tout à fait faux ce qu'il appelle les gens à faire, puisqu'il contredit le message de tous les autres messagers qui sont venus avant lui. D'accord? Et le chef, il va en parler sur moi. Le chef, il dit, وَهَذَا رُبَّمَا يَسْأَلُ السَّائِلِ عَنِ الْفَرْقِ بَيْنَ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ وَخَوَارِقِ السَّحَرَةِ وَالْكُفَّارِ وَعَجَائِبِ الْمُخْتَرَعَاتِ الَّتِي ظَهَرَتِ الْيَوْمِ وَالْجَوَابُ أَنَّ هُنَاكَ فَوَارِقًا كَثِيرَةً بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان والاختراعات الصناعية ومنها أن أخبار الأنبياء لا يقع فيها تخلف ولا غلط بخلاف أخبار الكهنة والمنجمين فالغالب عليها الكذب وإن صدقوا أحيانا في بعض الأشياء بسبب ما يحصل عليه الكهان من استراق الشياطين للسمع. Donc le cheikh il dit, et peut-être que pour certaines personnes ils vont poser la question suivante, ils vont demander c'est quoi la différence entre les preuves de la prophétie et les exemples de miracles ou de choses que, pas de miracles, mais d'actions que les magiciens et les viseurs de bonne aventure peuvent accomplir. Ils font parfois des sortes de magie ou de choses qui font croire aux gens qu'ils font des miracles, d'accord? Donc, comment on peut les distinguer dans ce que les prophètes font et ce que les vrais prophètes et ce que eux, ces charlatans, ces menteurs-là font? Et par exemple aussi les signes des technologies modernes actuellement, qu'est-ce qu'on est capable de faire, Yannine, avec toutes sortes de... Par exemple, quelqu'un m'avait raconté, même en Haïti, dans certains villages éloignés, quelqu'un avait caché un haut-parleur dans le sol, et puis la nuit, il parlait dans le micro ou quelque chose, et on entendait la voix qui sortait d'une tombe ou quelque chose comme ça, et les gens pensaient que la personne qui était dans la terre, elle parlait, les morts parlaient. Donc ça c'est des exemples de charlatans, de gens qui utilisent la technologie moderne pour faire tromper les gens. Et c'est des paysans qui ne connaissent rien, alors ils croient que c'est réel. Et si on leur dit, ça y est, le mort il parle, et ils vont le croire, ils vont pas se poser de questions, tu vois. Toutefois, quelqu'un qui est plus critique, et plus il y a un esprit plus critique et qui connaît un peu les tours de ces gens-là, ben il va aller vérifier, hein. Donc c'est un exemple, Yannick. Et le chef il dit, et donc parmi les preuves, parmi les choses qu'on peut utiliser pour distinguer entre ce que ces gens-là font et ce que les miracles, ce que les miracles ou les signes des prophètes amènent, eh bien, on peut distinguer de différentes façons. Parmi les exemples qu'il donne, il dit, par exemple, les choses que les prophètes annoncent de l'avenir, il ne peut pas y avoir aucune erreur dedans. Tandis que les annonces que les viseurs de bonne aventure et les astrologues prétendent, eh bien, la plupart du temps, c'est des mensonges. Il y a toujours des erreurs dans ce qu'ils annoncent. Et peut-être que parfois, bon, ils ont dit des choses qui sont vraies, mais c'est seulement à cause des informations que les diables ont volées en écoutant les cieux. Mais sinon, la plupart des choses qu'ils racontent, c'est des mensonges. Et après, le chef, il dit, « وَمِنْهَا أَنَّ السِّحْرَ وَالْكَهَنَا أو الكهنة والاختراع أمور معتادة معروفة ينالها الإنسان بكسبه وتعلمه، فهي لا تخرج عن كونها مقدورة للجن والإنس، ويمكن معارضتها بمثلها بخلاف آيات الأنبياء، فإنها لا يقدر عليها جن ولا إنس، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فآيات الأنبياء لا يقدر عليها الخلق، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها آية وعلامة على صدقهم، كانشقاق القمر وقلب العصا حية، وتصبيح الحصى بصوت يسمع، وحنين الجذع وتكثير الماء والطعام القليل، فهذه لا يقدر عليها إلا الله. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Le Cheikh il explique un exemple, il explique une distinction très claire, et il dit que qu'est-ce que la magie et la bonne aventure, le prédire l'avenir, ou les gens qui font des sortes de miracles, là, pas des miracles, mais des charlatans là, qui jouent avec les gens, là, qui leur font croire les choses, là. Ouais. Eh ben, Il dit ça, c'est des choses qu'on est habitué de, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a vu déjà, et qui sont connues par les gens, que les gens ont l'habitude de voir. Et quelqu'un peut l'acquérir, ces capacités-là, par son expérience. D'accord? C'est-à-dire par le fait de l'apprendre. La magie, quelqu'un peut l'apprendre, l'étudier, l'apprendre et la maîtriser. D'accord? Donc, des choses qui ne sortent pas de qu'est-ce qui est prédestiné dans la création, pour les hommes et pour les djinns. Quelqu'un peut s'opposer à la magie par la magie. Hein? Si quelqu'un, par exemple, un magicien fait, jette un sort à quelqu'un, ou fait quelque chose de mal à quelqu'un, ou fait quelque chose, un autre magicien peut défaire sa magie. C'est un exemple. Mais contrairement aux signes des prophètes, personne ne peut l'opposer par quelque chose d'autre. Hein? Parce que aucun être humain n'a le pouvoir sur ces miracles-là ou sur ces choses-là. Ni les djinns ni les hommes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos du Coran, même si les hommes se réunissent pour faire quelque chose comme ce Coran, ils ne seront jamais capables de venir avec quelque chose de semblable, même si ils prennent l'aide de tous les hommes et de tous les djinns pour s'aider à amener quelque chose de semblable. Donc le cheikh il dit, parce que les signes des prophètes, personne n'a le pouvoir parmi les créatures sur ces signes-là, sur ces preuves-là. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala en fait qui les fait accomplir pour prouver la véracité de leur message. Comme par exemple le fait d'avoir fendu la lune, et séparé la lune en deux, le fait que Moïse a fait son bâton se transformer en serpent, par la permission d'Allah, le fait que les pierres ont glorifié Allah avec une voix que les gens peuvent entendre, le fait que le tronc d'arbre avait pleuré, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souvent, à partir d'une petite quantité d'eau et de nourriture, il a été capable de faire sortir une grande quantité. C'est arrivé à Isa alayhi wa sallam comme c'est rapporté dans la Bible, et c'est arrivé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Une fois les sahaba, ils avaient très faim. Et puis, je pense même que Abu Huraira aussi l'avait fait, ou Ibn Abbas. Et puis, il y avait un peu de lait qui restait. Alors, étant donné qu'il y avait seulement un peu de lait, alors, Abu Huraira ou Ibn Abbas, un des deux, je ne sais pas c'est lequel, il est venu avec le plat et il a dit, il y avait aussi dans la mosquée des gens de Ahl Soufa. Et les gens de Ahl Soufa sont des gens qui étaient très pauvres. Et quand il les a vus, il a dit, bon, ok. Abu Ibn Abbas, il dit, Abu Huraira, oui, c'est vrai, il était pauvre, oui, c'est vrai. Et bien, lui, il avait tellement faim, là. Et là, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ok, d'accord. On va tous boire, mais en premier, tu dois donner à boire aux gens de Ahl Soufa. Je pense que c'était un peu de lait qu'il avait. Et puis là, il a donné à boire aux gens de Soufa. Tout le monde a bu. Et là, Abu Huraira, il a pris le bol. Quand il a pris le bol, il a donné aux gens de Ahl Soufa. Et là, il a vu les gens boire. Il dit, mais ça ne sera jamais suffisant pour nous tous. Et là, lui, il voyait les gens boire. Après, à la fin, tout le monde en vue, ils étaient tous remplis, ils avaient tous bien vu, ils avaient été rassasiés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le bol à Ibn Abbas, je crois que c'est Abu Huraira. Et Abu Huraira a commencé à boire, il a bu. Là, il a arrêté. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bois encore. Il a arrêté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bois encore. Il a vu, ya Rasulallah, ça y est, c'est fini, je peux plus boire une goutte de plus. Donc, ça c'était un miracle, en fait, comme à partir d'un petit, d'une petite quantité de lait, il a réussi à faire boire tous ces gens-là. Hein. Et puis, donc, ça c'était un exemple aussi des miracles que Allah lui a donné. Et puis, je lisais dernièrement dans un livre à propos d'un des Sahaba, après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un magicien à l'époque des Sahaba qui se mettait devant les gens, il coupait la tête de quelqu'un, et puis il la remettait sur le corps, et puis la personne vivait encore. Donc, et les gens commençaient à dire, ah lui, il peut faire revivre les morts. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le lendemain, il y a un sahabi qui avait vu ça. Le lendemain, il est venu à la place où la personne faisait son spectacle. Et puis, il est arrivé et puis il lui a coupé la tête. Alors, le sahabi a dit, on va voir maintenant s'il peut se recoller sa tête à lui-même. comme si pour montrer que personne ne peut faire vivre les morts, c'est Allah. Mais c'est que les gens commençaient à avoir une foi en cet homme-là. Donc pour finir cette fitna, avec cet homme, le sahabi lui a coupé la tête carrément comme ça. Donc ça c'est un exemple. Donc ça nous montre un peu comment la différence entre les gens qui font des magies, là, comme ça, des trucs. Comme les gens, là, David Copperfield, puis des choses comme ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de ces gens-là. Ils font disparaître la tour, la tour Eiffel, ils font disparaître, la statue de la liberté, puis après ils la font réapparaître. Hein? C'est des gens, là. Soit qu'ils ont un aide des djinns pour faire des choses comme ça, ou soit que c'est des trucages des caméras. Ouais, c'est ça. Soit c'est un des deux. Ils m'ont montré qu'ils passaient à travers la muraille de Chine. J'ai vu ça à la télé. Donc ça, c'est des exemples. Ça, c'est des gens, ils ont contact avec les chiantines, et puis ils ont l'aide des chiantines pour faire ça. Ou bien soit que juste ils jouent avec la caméra pour faire croire aux gens. Parce que je ne sais pas si les gens qui étaient là sur place, est-ce qu'ils ont vu la statue disparaître réellement, ou bien est-ce que c'était juste pour la caméra. Mais en tout cas, c'est des exemples, là, des gens comme ça, là, qui jouent, qui font des tours, là, comme des passe-passe, des jeux de cartes, faire disparaître les lapins, couper quelqu'un en deux dans une boîte, et après les recoller. On voit ça toujours à la télévision. Donc c'est toujours des trucs, là, de faire croire aux gens des choses, mais c'est un exemple. Le sahabi, quand il a vu des gens faire ça, il a commencé à croire en ça. Il a fait ce qu'il pensait être le plus juste là pour cet événement-là. Donc, après le chef, il dit, وَمِنْهَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَحْدَهُ بِمَا أَمَرْ وَيُصَدِّقُونَ جَمِيعَ مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ أَمَّ السَّحْرَ وَالْكُهَانَ وَالْمُتَنَبِّئِ المتنبئون الكذبة فلا يكونون إلا مشركين مكذبين ببعض ما أنزل الله. Donc une des distinctions entre les vrais prophètes et les menteurs, c'est que les prophètes sont tous des croyants et des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, des musulmans. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et ils obéissent à ils pensent que Allah leur a ordonné. Et ils croient en tout ce que les messagers ont apporté, et aussi donc c'est ça. Puis en ce qui concerne les magiciens et les viseurs de bonne aventure et ceux qui se prétendent être des prophètes, des faux prophètes, eh bien ceux-là, la plupart du temps, ce sont des mouchriquins, des idolâtres, et puis des gens qui mentent ou qui rejettent une partie de ce que Allah a révélé. Et après le cheikh il dit, وَمِنْهَا أَنَّ الْفِطَرْ وَالْعُقُولِ تُوَافِقُ مَا جَاءَ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ أَمَّا السَّحَرَ وَالْكُهَانِ وَالْدَجَّالُونَ الْكَذَّابُونَ فإنهم يخالفون الأدلة السمعية والعقلية والفطرية. Parmi les preuves, ou la, parmi les différences des vrais prophètes et des faux prophètes, eh bien, il y a que ce que les prophètes, les vrais prophètes amènent, eh bien, c'est toujours en accord avec la nature de l'homme et en accord avec la raison. Tandis que les magiciens et les autres faux prophètes, eh bien, ils amènent toujours des choses qui sont contraires avec les textes religieux et contraires avec la raison et la nature de l'homme, son instinct. Hein? Et parmi les exemples aussi, qu'il n'y a que les prophètes, al-anbiya, ja'u bima yukmilu al-fitr wal-uqul wa-s-sahara wal-kuhan wal-kazaba yaji'una bima yufsidu al-uqul wal-fitr. Donc, un autre exemple de distinction, c'est que les prophètes amènent des choses qui viennent perfaire l'instinct et la raison, tandis que les magiciens, eux, et les autres faux prophètes et les divers de bonne aventure, ces gens-là, eux, au contraire, ils amènent des superstitions, des choses qui contredisent la raison et qui contredisent l'instinct des gens et qui viennent la corrompre. ومنها أن معجزات الأنبياء لا تحصل بأفعالهم هم وإنما يفعلها الله عز وجل آية وعلامة لهم كانشقاق القمر وقلب العصا حية وإتيان القرآن والإتيان بالقرآن والإخبار بالغيب الذي يختص الله به فأمر الآيات إلى الله وإلى اختيار المخلوق كما قال الله لنبيه عندما طلبوا منه أن يأتي بآية قال قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أما خوارق السحرة والكهان والمخترعات الصناعية فإنها تحصل بأفعال الخلق والفوارق بين آيات الأنبياء وخوارق الكهان كثيرة واضحة ومن أراد المزيد فليراجع كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc le cheikh, pour terminer ce passage ou ce chapitre, il termine en disant que parmi les signes de la différence entre les vrais prophètes et les menteurs, les magiciens, il y a que les miracles des prophètes, elles ne viennent pas d'eux-mêmes, elles ne le font pas par leur propre pouvoir personnel, mais c'est Allah SWT qui le fait en fait, et qui leur donne ça comme un signe et comme une preuve de leur véracité, la véracité de leur message, comme le fait d'avoir séparé la lune en deux, ou de faire transformer un bâton en serpent, ou de faire révéler le Coran par exemple, et d'informer les gens des choses de l'invisible que seul Allah SWT connaît. Donc, l'ordre, les affaires qui concernent les preuves et les miracles, eh bien, elles reviennent uniquement à Allah. Et ce n'est pas par le choix de la création. Ce n'est pas du choix de la création ou de la décision du créateur. Comme Allah SWT, comme par exemple quand les gens demandaient au prophète, ils disaient, mais amène-nous une preuve. Et bien, Allah SWT, dans plusieurs versets, Allah il dit par exemple, dit aux gens, les preuves ou les signes sont uniquement auprès d'Allah. Et je ne suis qu'un avertisseur, un clair avertisseur. C'est-à-dire, c'est pas moi qui a le pouvoir de vous donner des preuves ou de vous donner des signes. C'est uniquement Allah qui décide et qui le donne, hein. Qui décide de le donner. Et en ce qui concerne les choses que les magiciens font et les autres, les faux prophètes ou les charlatans, eh bien, ceux-là, ils le font quand ils veulent. Hein. Ils font des trucs, ils jouent des tours, ils font ces affaires-là, quand à volonté, hein, parce que c'est eux-mêmes qui décident et c'est sous leur contrôle. Parce que c'est pas quelque chose qui vient d'Allah Ta'ala. Le cheikh dit qu'il y a beaucoup d'autres différences entre les signes des prophètes et ce que les faux prophètes font, et elles sont claires et elles sont nombreuses, Et celui qui veut avoir plus de renseignements sur ce sujet-là, il peut retourner au livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Al-Nubuwat, les prophètes. Et dans ce livre-là, Ibn Taymiyyah, il rentre vraiment en profondeur dans tous ces sujets-là. Il rentre et dans les détails et il clarifie toutes ces distinctions-là. C'est bien lui, à cause de ça. Eh bien, oui, c'est vrai, là, comme on a dit même la semaine passée, que beaucoup même dans ce soufi, hein, parmi les soufis qui sont vraiment extrémistes, là, eh bien, il y en a des groupes parmi eux qui ont dit que qu'ils demandaient même directement à Allah de les rendre des prophètes, de les faire prophètes. Hein. Et puis, en réalité, d'après ce que j'ai remarqué du soufi, en fait, c'est qu'ils considèrent que les awliya, les saints, sont plus hauts que les prophètes. Parce que si tu lis, par exemple, ils ont un niveau, un degré de saints, awliya, ils les appellent. Il l'appelle Khatim al-Awliya. C'est le dernier des Awliya. Mais dans leur contexte, à eux, c'était le plus haut des saints, le plus grand des saints. Et parmi ceux qui ont prétendu ou qui ont déclaré être le Khatim al-Awliya, il y a Ibn Arabi. Ibn Arabi qui est très connu parmi les soufis. Et il y a Ahmed al-Tijan, qui l'a aussi prétendu. Et son élève, un de ses élèves, il y a un direct, Al-Hajj Omar Talfouta dans son livre, Rimah Hizb al-Rahim, Ala Nuhuri Hizb al-Rajim. Donc il a écrit ce livre-là, ça veut dire les lances du parti de Al-Rahim, Allah, contre les gorges de Hizb al-Rajim. Le parti du Rajim, vous savez, le Shaitan. Ça, c'est le titre de son livre. Et dans son livre, Al-Hajj Omar, il dit que le Awliya, Fatim al-Awliya, Ahmed Tijan, c'était Ahmed Tijan. Et eux, ils considèrent que le Fatim al-Awliya, le dernier, le plus grand des Awliya, celui-là, le prophète, ils disent que le prophète, il prenait. En fait, ils croyaient que la prophétie, en fait, ils disent que le prophète, il entend des voix, mais cette voix-là, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de lui-même. C'est ce qu'il croit, en fait. Comme les philosophes aussi. Ils ne croient pas que, par exemple, ils ne croient pas qu'il y a un ange qui vient voir le prophète pour lui parler. Mais en fait, ils croient que c'était en lui-même qu'il entendait ces voix-là, dans sa tête. Et puis, étant donné que Ibn Arabi croit à Wahdatul Wujud, c'est-à-dire qu'il croit que tout est Allah et Allah est tout, donc pour lui, il n'y a pas de distinction entre l'ange et l'humain ou Allah et l'humain, tout ça c'est Allah. Donc lui-même, à l'intérieur de lui-même, il entend des voix. Et puis, donc il puisait d'une source et il dit que le saint, le Khatim al-Awliya, lui, il prend directement de cette source. Là, il n'a pas besoin d'aller par un ange ou d'aller par le prophète. Il va directement à la source où le prophète a pris ces informations-là. Et il a des caractéristiques qui le mettent au-dessus du niveau de la prophétie et des prophètes. Donc, en fait, beaucoup de leurs paroles, là, tu vois que ils se considèrent même comme étant des prophètes. Ils s'élèvent à des niveaux. Et puis, ils font semblant qu'ils aiment le prophète. Ils disent qu'ils aiment le prophète, qu'ils le respectent. En fait, en réalité, même, ils le prennent comme un objet d'adoration, comme un dieu. Et puis, s'ils l'aiment vraiment, alors comment ils peuvent prétendre qu'un autre, un wali, est au-dessus de lui, est plus meilleur que lui, des choses de ce genre. C'est une contradiction avec la foi islamique. Et puis ceux qui disent par exemple qu'ils le voient dans leurs rêves, eh bien c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith authentique que si vous me voyez dans votre rêve, alors vous m'avez réellement vu, parce que Allah a interdit au shaitan de prendre ma forme. Et ça c'est un hadith vrai, c'est un hadith authentique. Sauf que il faut faire attention, c'est que il faut retourner, si quelqu'un apparaît dans ton rêve et il te dit je suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que c'est réellement lui. C'est-à-dire tu dois aller retourner au livre de hadith qui décrit la physionomie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vérifier si c'était vraiment le prophète. Parce que on va expliquer à la fin. Non. Donc, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah. Donc, comme je disais, quand tu, si quelqu'un dans ton rêve apparaît et te dit « Je suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam », toi tu dois regarder dans le livre comment les sahaba ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir est-ce que ça correspond à la description qu'est-ce que les sahaba ont dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quelqu'un peut, le shaitan il peut apparaître dans la forme de n'importe qui et dire qu'il est quelqu'un, alors qu'il est, que c'est pas réellement lui cette personne qu'il prétend être. Hein? Donc, il faut vérifier si cette description que tu vois dans le rêve correspond à la description réelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, là, tu pourrais savoir est-ce que c'était vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que qu'est-ce que Allah a interdit au shaitan? C'est de prendre la forme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas interdit au shaitan de prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, s'il vient dans le rêve sous une autre forme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il dit je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il te raconte des choses qui sont contraires à ce qui est dans le Coran et qui est contraire à ce qui est dans les hadiths authentiques, alors là automatiquement tu peux savoir que c'est clair que ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne peut pas y avoir une contradiction, hein. Et puis une fois que le Coran est terminé, la révélation d'Allah est terminée, et bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas y avoir par la suite une autre révélation qui vient contredire ce qui était déjà révélé auparavant, dans le Coran et dans les hadiths. Donc, si des choses comme ça arrivent, automatiquement, on peut savoir que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que la personne a prétendu? Soit qu'elle a menti, la personne qui prétend avoir vu le rêve, elle ment, elle dit qu'elle a vu un rêve et que ce n'est pas vrai, ça c'est une autre possibilité. Hein? Quelqu'un peut dire, moi j'ai vu un rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a parlé, et c'est faux. Il invente ça. Ou bien aussi, une autre possibilité, c'est que la personne qui lui est apparue dans son rêve, ce n'était pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça, c'est une autre possibilité. Et parmi les soufis, comme par exemple, dans la tariqa Tijaniya, Ahmed Tijan, il prétendait non seulement pouvoir voir le Walaykum Salaam wa sallam, non seulement qu'il pouvait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui apparaissait en plein éveil, et qu'il venait, qu'il lui parlait, qu'il y allait. Donc, ça c'est encore pire que le fait de dire qu'il peut le voir en rêve. Hein? Et, alayhi wa sallam, il a un livre qu'il a écrit, Ahmed Tijan, et qu'il prétend que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui lui a donné, en personne. Voilà, oui. C'est pas, oui, il y a le dhikr, mais ça, la question du dhikr, ça, c'est pas seulement la tariqa de Tijaniya qui prétend ça. Ils prétendent presque toutes que le wird qu'ils font, ou le dhikr qu'ils font, c'était un dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur donner. J'ai eu la même chose de Ahmed Bamba, qui prétendait la même chose. Sauf que, le livre, il a un livre, j'ai oublié le nom. Non, Ahmed Tijan. Ahmed Tijan, il a un livre que c'est lui-même c'est lui qui a dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné, mais c'est attribué à lui. J'ai oublié le nom. Jawahir. Oui, Jawahir al-Ma'al ou quelque chose de ce genre. C'est ça le livre. Et il dit que ce livre-là, c'était donné par le prophète. À celui-là. Donc, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'entre ces gens-là, ils prétendent, ils disent des choses à propos d'Allah et de son messager qui rentrent vraiment dans le blasphème. Hein? sont contraires aux enseignements des prophètes, contraires au Coran. Et puis, comme le frère Moussan dit, hein, c'est vrai, il y en a beaucoup d'entre eux qui se demandent est-ce qu'ils ne prétendent pas être des prophètes. Même ils demandent à leurs fidèles de les suivre comme s'ils étaient des prophètes. Ah, ok. Ok. Tu ne peux pas prier sur lui. Alors là, c'est grave. C'est comme s'ils considèrent que les autres qui sont pakistanais sont des phares. Hein? Ils ne sont pas des musulmans s'ils sont pakistanais. Et même, je pense même, j'ai lu qu'ils considéraient que toute personne qui n'était pas sur la tarifa de Khatidan, il n'était pas, il allait aller en enfer. C'était les croyances de cette tariqa, yani, donc c'est une tariqa très extrémiste sur ce plan-là. Yani. Et donc, ça c'est dangereux quand des gens commencent à arriver de cette façon, là, c'est sectaire, ça divise les musulmans. Et quand tu vois, tu pries avec ton frère et lui, il est à côté de toi en train de prier, mais dans ton cœur, il dit toi, tu vas en enfer parce que tu ne crois pas en mon cher. Est-ce que Allah dans le Coran il a mis une ayat pour dire celui qui ne croit pas à Ahmed Tidjan il va être dans l'enfer? Si c'était écrit dans le Coran et dans le Hadith, peut-être qu'on aurait une preuve, mais là. Ok, c'est ça, on va arrêter ici. Et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, il y a dans les Hadiths une description du prophète. Il y a un livre qu'on appelle Shama'il al-Muhammadiyya, de l'imam al-Tirmidhi, qui décrit toutes les caractéristiques physiques et des caractéristiques de son caractère aussi. Sa barbe, son visage, la couleur de son visage, de ses cheveux, comment ils étaient, tout ça. Moi je ne me souviens plus vraiment, mais on peut aller vérifier après. Il avait une grande barbe qui arrivait jusqu'à sa poitrine. Hein. Ils disent qu'il n'était pas blanc, très très blanc, puis il n'était pas noir non plus, c'était comme pâle. Il n'était pas trop grand, puis il n'était pas non plus moyen, et puis il avait des épaules larges. Ici là, il n'y avait pas d'espace dans ses sourcils, c'est-à-dire c'était connecté je pense. Ces sourcils là, il n'y avait pas de séparation entre les deux. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques, mais je ne m'en souviens pas. Mais non, ça c'est pas vrai. Ça c'est un mensonge que les soufis ont inventé au sujet du prophète Hassan, parce que ils disent que le prophète Hassan était créé de la lumière d'Allah, et donc quand il marchait, il n'avait pas d'ombre. Et ça c'est faux. Il avait un ombre comme s'il n'avait pas d'ombre. Non. Ça c'est une des autres superstitions des soufis au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est totalement absolument fou. Il était un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Dis, je ne suis qu'un homme comme vous. يُوحَى إِلَيَّ. Et on m'a révélé. يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ. On m'a révélé que votre Seigneur, votre divinité n'est qu'une divinité unique, un seul Dieu, celui seul que vous devez adorer. Donc, les soufis, ils veulent faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam un être au-delà du niveau des humains, mais ils veulent en faire de lui un être divin. Et ils veulent lui donner une partie de la divinité d'Allah, hein, en disant qu'il est créé de la lumière divine. Donc ça, c'est bien entendu, ça rentre dans les croyances et les applications du shirk, des croyances qui font tomber les hommes dans l'idolâtrie, d'associer Dieu. Ils veulent faire avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la même chose que les chrétiens ont fait avec Jésus. Et oui, et même il y en a qui vont vers les hindous. J'ai vu dans leur magazine. Ils vont voir les gourous de l'hindouisme, ils vont voir les hindous, ils vont voir les chrétiens, puis ils essaient de dire, mais on est tous pareils, à la fin on adore tous Dieu. Les soufis, dans le monde, ah oui, ils sont nombreux. la plupart des pays musulmans, là, une grande majorité des pays musulmans, là, sont influencés par le sikhisme. Ils savent même pas qu'ils ont des croyances ou des idées sikhistes. Donc, c'est pas vrai.